L'intervalle de sécurité est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il doit être au minimum de 10 mètres, réponse C. 30 mètres, réponse D.